Bonjour, je suis Éric Lebourg, je travaille au CNRS à Toulouse en France. Je m'intéresse au vieillissement chez la drosophile, mais pas seulement. Et je vais vous présenter certains résultats et vous expliquer ma vision personnelle de la biogérontologie. Moi, je suis arrivé ici en 1979, donc il y a très longtemps. J'ai fait un DEA et un troisième cycle là-dessus. Et à l'époque, en gros, il n'y avait personne qui travaillait sur le vieillissement de la bouche. Il y avait quelques équipes, rares équipes, quelques individus. Mais c'était franchement, il n'y avait vraiment pas grand monde par rapport à aujourd'hui. Moi, ça m'a toujours intéressé, les problèmes du temps qui passent et son côté irréversible. Et le vieillissement, c'est très lié à ça. Donc, je suis parti là-dessus. Et donc, il n'y avait pas grand-chose. Donc, au début, j'ai un peu essuyé les plâtres en ce sens qu'il fallait inventer pas mal de choses, en particulier des tests comportementaux. Comment mesurer l'activité des mouches? Est-ce que quand elles vieillissent, elles vont se déplacer non seulement moins, mais est-ce que, par exemple, la forme de leur trajet va être modifiée? Puis on s'aperçoit que les jeunes mouches, elles vont plutôt tout droit et les vieilles mouches, elles ont tendance un peu à faire des cercles, à tourner en rond. Donc, j'ai fait ce genre de choses. Et puis, j'ai fait la longévité, j'ai fait la fécondité, j'ai fait tout un tas de choses là-dessus. De l'apprentissage, parce que les mouches, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, sont capables d'apprendre des tonnes de choses. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la mémoire de la mouche, donc sur l'apprentissage. Et puis, à un moment donné, donc, puisque je m'intéressais d'abord au vieillissement, bon, j'ai fait des manips sur apprentissage et vieillissement. Mais j'ai cherché des moyens de voir si on pouvait pas moduler le vieillissement. Et la première idée qu'on avait, c'était d'accélérer le vieillissement. Alors, vous savez que quand on augmente la température chez les insectes, ils vivent moins longtemps. Et on s'est dit, mais le problème, c'est que quand on augmente la température, bon, non seulement les réactions chimiques sont deux fois plus rapides à chaque fois qu'on augmente de 10 degrés, c'est ce qu'on appelle Q10 égale 2, mais le problème, c'est qu'on change tout. Le milieu nutritif sur lequel les mouches vivent évolue plus vite. Ben, ça pourrit plus vite à 28 degrés qu'à 25, par exemple. Donc, on change énormément de choses. Et on a cherché un moyen de moduler le vieillissement et la longévité des mouches sans toucher la température. Alors, j'avais discuté avec des collègues qui travaillaient sur les problèmes de gravité, parce qu'ils avaient travaillé pour la NASA et ils cherchaient à voir si on ne pouvait pas simuler sur Terre ce qui se passait dans l'espace. Alors, la microgravité, c'est très compliqué. Donc, ils avaient l'idée plutôt de simuler l'autre chose, c'est-à-dire une gravité augmentée. Et pour ça, c'est tout simple, on met des mouches dans une centrifugeuse, on les fait tourner, elles vont peser plus lourd. Et l'idée, c'était que si on les faisait tourner, comme elles allaient avoir un métabolisme plus élevé, elles allaient vieillir plus vite, mourir plus vite, mais sans qu'on ait besoin de toucher à la température. Alors, on est parti là-dessus. Puis au début, on a fait des tonnes de papiers qui montraient qu'effectivement, les mouches, elles mouraient un peu plus vite. Elles vieillissaient un peu plus vite. Leur ponte était modifiée. Il se passait des tonnes de choses. Et à un moment donné, on a dit, mais si on, au lieu de les mettre toute leur vie dans la machine, on les mettait simplement en début de vie, qu'est-ce qui se passerait? Et parce qu'il y avait un papier qui m'était passé sous le nez et qui disait, quand on fait des stress modérés, on peut avoir des effets positifs. Alors un stress modéré, c'est un stress qui oblige l'organisme à réagir, qui n'est pas trop fort. Concrètement, quand vous prenez, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple chez nous? Eh bien, quand vous avez une température un peu élevée, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous protéger du soleil. Et si vous vivez en permanence à un endroit un peu chaud, comme Marseille, généralement, le premier été est assez dur et le deuxième est beaucoup plus facile. Moi, ça m'est arrivé quand je suis arrivé à Toulouse, je venais de la région parisienne, j'ai trouvé le premier été assez pénible, le deuxième, beaucoup plus simple. Donc, il y avait des gens qui avaient travaillé là-dessus, sur les problèmes d'adaptation, et qui avaient aussi évoqué l'idée que des stress beaucoup plus courts pouvait entraîner des réactions d'adaptation de l'organisme pratiquement immédiatement. Et il y avait très peu de données là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a placé les mouches pendant 2 semaines simplement, ou 1 semaine, dans la centrifugeuse. Et on s'est aperçu que les mâles vivaient plus longtemps. Chez les femelles, ça n'était pas grand-chose. Et on s'est aussi aperçu que ces mâles et les femelles résistaient mieux quand, par exemple, on leur faisait subir un stress thermique. Un stress thermique, vous mettez des mouches à 37 degrés pendant 4 heures, elles meurent toutes. Si elles avaient été centrifugées auparavant, eh ben, elles survivaient plus longtemps. Et on a regardé le comportement et on s'est aperçu un comportement qui est très simple. Chez vous, vous avez vu des mouches qui montent sur les vitres. Hein, quand il y a une mouche qui est coincée, généralement, elle monte sur la vitre. Bon, ben, chez les drosophiles, c'est pareil. Quand on les met dans un petit tube et puis qu'on les fait tomber par terre, elles ont tendance à monter pour rejoindre le point le plus élevé. Et ça, ça se dégrade avec l'âge. Et on s'est aperçu que quand elles avaient subi de l'hypergravité en début de vie, eh ben, ça se dégradait moins facilement avec l'âge. C'est-à-dire qu'elles étaient capables de monter à une hauteur plus grande, à un âge plus avancé. Alors que si on les mettait en centrifugeuse toute la vie, c'était le contraire. Leur capacité de monter sur les parois se dégradait plus vite. D'accord ? Donc on avait trouvé un truc qui faisait que les mouches, eh ben, on avait l'impression qu'elles vieillissaient moins vite. Alors ça, c'était vachement intéressant parce que c'était assez nouveau. Et mon boulot par la suite, ça a consisté à essayer de voir si c'était uniquement avec l'hypergravité. Alors avec la température, si on leur fait des chocs thermiques assez brefs, ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre très étroite. Concrètement, on fait des chocs répétés de 5 minutes pendant une semaine, on obtient un petit effet positif. Mais dès qu'on dépasse 10 minutes, je parle à 37 degrés, hein, dès qu'on dépasse 10 minutes, on a des effets négatifs. C'est-à-dire que les mouches vont vivre moins longtemps. Alors, je me suis tourné vers le froid. Et quand on met pendant 2 semaines en début de vie les mouches, 1 heure par jour à 0 degré, elles vivent plus longtemps, elles résistent mieux à la chaleur, elles résistent mieux au froid, elles résistent mieux à l'infection fongique. Les mouches peuvent être attaquées par des champignons qui les tuent, donc elles résistent mieux aux champignons. Et donc, il y a tout un tas d'effets positifs. Donc, depuis pas mal d'années, donc, je cherche des stress modérés, et en particulier des stress qui pourraient être utilisés chez le mammifère, parce que l'hypergravité, on ne peut pas vraiment l'utiliser chez l'homme, par exemple, ou chez la souris, ou chez le rat, ils se portent très mal. Et ce que j'essaye aussi, c'est de comprendre pourquoi ça marche, qu'est-ce qui se passe. Alors, on sait que les protéines de choc thermique sont impliquées quand vous avez un gros coup de fièvre, mais vraiment un bon coup de fièvre, hein, plus de 40. Ce qui se passe, c'est que vos protéines, elles risquent de lui arriver la même chose que quand vous faites un œuf sur le plat. C'est-à-dire que les protéines se déforment et éventuellement deviennent inutilisables. Le blanc dans la poêle, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il devient inutilisable, il ne peut plus faire ce qu'il était capable de faire dans l'œuf de la poule. Bon, donc, ces protéines se dégradent quand il y a un coup de chaleur. Il y a des protéines particulières qu'on appelle des protéines de stress thermique, dont le rôle, en gros, est de réparer ces protéines. C'est-à-dire, elles les remettent dans la conformation initiale, et si elles sont trop dégradées, en gros, elles les envoient à la poubelle. Je veux dire, ça va dans deux autophagosomes, et puis c'est supprimé. Et donc, on s'est aperçu que quand on soumet les mouches à l'hypergravité, on ne synthétise pas de protéines de choc thermique. Par contre, si après, on les soumet à un stress thermique, celles qui ont été centrifugées vont synthétiser plus de protéines de choc thermique que celles qui n'ont pas été centrifugées. Et il se trouve que ces mouches centrifugées résistent aussi mieux à la chaleur. Donc ça a l'air de correspondre pas mal. On dirait que déjà on a un mécanisme. Alors, j'ai cherché du côté des enzymes antioxydantes. Ça, vous avez dû en entendre parler. Vous savez, les radicaux libres qui accélèrent le vieillissement et on vous raconte ça partout. Sur le net, on vous vend des tas de pilules avec de la vitamine C, de la vitamine E, enfin, des tas de trucs antioxydants, directement pour vieillir moins vite. Et là, en regardant l'activité enzymatique de deux enzymes antioxydantes majeures, c'est la superoxyde-dismutase et la catalase, on s'est aperçu qu'en fait, l'hypergravité ne faisait rien. Et en fait, non plus, l'hypergravité n'a pas vraiment d'effet sur la résistance aux oxydants. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est trouver qu'est-ce qui explique les résultats qu'on observe, qui sont très intéressants, et voir si on ne peut pas trouver d'autres stress modérés utilisables chez le mammifère, si on ne peut pas les combiner. Alors, par exemple, quand on combine le froid et l'hypergravité, on cumule les effets positifs dans certains cas. C'est-à-dire que c'est plus intéressant d'avoir les deux qu'un seul. Puis dans d'autres cas, ça ne marche pas, on ne cumule pas les effets. Bon, donc c'est très intéressant parce que c'est un animal intermédiaire entre le nématode, qui est très bien au point de vue génétique, mais qui est très pauvre au point de vue comportemental, et la souris, qui est très bien au point de vue génétique, qui est très bien au point de vue comportemental, mais qui pose quand même énormément de problèmes pratiques au point de vue, on va dire, l'utilisation dans la vie de tous les jours. Il faut des animaleries, il faut des personnes qui s'en occupent en permanence, il y a des normes à respecter, c'est très compliqué. Mais évidemment, c'est beaucoup plus proche de nous d'un point de vue biologique, c'est clair. La physiologie d'une souris et celle d'une mouche, ce n'est pas la même. Donc, la droso, c'est un peu, on va dire, le chaînon manquant, l'intermédiaire entre des modèles très simples, comme le nématode, et des modèles beaucoup plus sophistiqués, comme les mammifères. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là, et surtout, au point de vue génétique, comme on peut faire absolument n'importe quoi avec elles, on peut obtenir des mouches exactement comme on veut. Elles vont exprimer tel gène, ou au contraire, ne pas l'exprimer. On va leur rajouter un gène, ou on va inactiver un autre gène, etc. etc. Donc, c'est très souple, c'est une sorte de, c'est la boîte à outils de la biologie, quoi, la drosophile. Alors, moi, ce que j'essaie d'expliquer aux étudiants de Montpellier, là, à qui je fais des cours, c'est qu'une souris, c'est pas un humain en réduction. Et qu'il faut faire très attention quand on passe des résultats sur une espèce à une autre espèce. Alors, Cynthia Kenyon, il y a une douzaine d'années, elle a fait un papier dans Nature où elle a dit, ben voilà, maintenant, on a trouvé chez le nématode des gènes, enfin, des allèles qui augmentent la longévité, il n'y a pas de raison qu'on ne les trouve pas chez l'homme. Alors pareil, il y a des gens qui disent, regardez la restriction calorique chez la souris, ça marche, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez l'homme. Et tous ces gens-là font, à mon avis, une erreur, on va dire, de débutant. C'est-à-dire, ils raisonnent uniquement comme s'ils avaient une machine en face d'eux, et pas un animal qui a évolué depuis des millions d'années et qui est le résultat de cette évolution. Le nématode, c'est un petit ver qui vit dans la terre. C'est un animal qui, je veux dire fréquemment, il ne peut pas se déplacer par définition, c'est un ver. Fréquemment, il rencontre, je veux dire, des conditions désagréables pour lui, la sécheresse en particulier. Et il a développé tout un tas de stratégies pour survivre à ça. D'accord ? Donc, sa longévité, elle est très plastique, parce qu'elle a besoin d'être très plastique. Pareil, la mouche. La mouche, c'est un animal qui, tous les ans, je dirais, est confronté à l'hiver, à des différences de température et tout. Et c'est un animal qui a besoin, comment dire, de moduler aussi sa longévité. Et enfin, la souris. La souris, c'est un animal qui est une proie, d'abord. Quand une souris se bat, si vous prenez une souris blanche, n'importe quel rongeur, vous la mettez dans une pièce, il ne reste pas au milieu de la pièce. Il va dans les coins et il suit les coins. Pourquoi ? Parce qu'au moins, il y a un endroit qui n'est pas à surveiller. C'est le mur. Il ne reste pas au milieu de la pièce. Parce qu'au milieu de la pièce, il y a une buse qui peut arriver, il y a un renard, enfin, il y a n'importe quoi. Donc, tous ces rongeurs, je veux dire, leur problème, c'est de survivre. Alors, qu'est-ce qu'ils font comme stratégie pour survivre ? Ils font beaucoup de petits. Il va y avoir beaucoup de mortalité. Et ils les font beaucoup, et ils font beaucoup de petits très vite. Par contre, une souris, ça vit généralement pas plus d'un an dans la nature. Donc, si jamais il y a des conditions très désagréables, du style une sécheresse, quand il y a une sécheresse, généralement, il n'y a rien à manger, il peut être intéressant pour la souris en question de vivre plus longtemps pour pouvoir se reproduire après cet épisode désagréable. Je prends un exemple, la souris elle est née au mois d'avril, elle est mûre sexuellement au bout d'un mois, et puis il y a un mois de juin exceptionnellement chaud, il n'y a presque pas à manger. Bon, la souris qui aura dû faire ses petits au mois de juin, et ben elle les fera peut-être à la fin du mois d'août, parce que cette année on a vraiment une canicule insupportable. Mais si elle n'est pas capable de vivre ce temps supplémentaire, eh bien, elle va avoir un problème, elle ne pourra pas se reproduire. Et en gros, elle aura raté sa vie de souris, quoi. Elle n'aura pas pu laisser des descendants à l'arrière. Donc la souris a probablement, elle aussi, besoin d'avoir une longévité plastique. Mais toutes les espèces comme les nôtres, nous, on ne fait pas des enfants en permanence. On fait un enfant, on le mène jusqu'à au moins 15 ans, parce que sinon, il ne peut pas survivre. Et puis après, on en fera un deuxième. Enfin, je veux dire, on ne va pas en faire tous les 15 ans, mais il y a toujours un espace important, je veux dire, entre deux enfants. Et on ne fait pas 7, 10 ou 15 enfants à la fois. On en fait un, généralement. Bon, il y a les jumeaux, bien sûr, mais c'est rare. Et donc, nous, on n'a pas besoin forcément d'augmenter notre longévité quand on rencontre la famine, la sécheresse ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe chez nous quand il y a la famine ? Eh bien, on part. Les Irlandais avaient la famine en 1850, ils ont quitté l'Irlande, ils sont partis aux USA. Les barbares, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avaient la famine au Danemark. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envahi l'Empire romain. Ça se passe toujours comme ça. Donc, quand on compare des résultats sur une espèce à une autre, il faut faire très attention, il faut prendre en compte toutes les conditions écologiques, je veux dire, que rencontre l'animal, toutes les stratégies de vie qu'il a pour résister, je veux dire, aux agressions qu'il peut subir.